La Sakari, remix, la Sakari, la Sakari. Laisse-moi là, j'éternue, ramène-moi un mouchoir. J'en ai foutu partout, c'est relou, ça colle aux doigts. Un goût d'antibiotique sur mes lèvres toutes gercées. Bébé, regarde le bout de mon pif, c'est une goutte que j'ai versée. Baisse d'un ton, trop de pression, j'file aux toilettes pour une décompression. Attention, pas de question, me retenir c'est une vraie mission. Baisse d'un ton, trop de pression, j'file aux toilettes pour une décompression. Attention, pas de question, me retenir c'est une vraie mission. J'suis malade, malade, malade, la saga. Qui vient de passer, y'a dix foules, y'a Romano, j'crois qu'il les a contaminés. Oh là, j'me taille, ouais, là c'est chaud, leur maladie, j'veux pas la choper. L'équipe, j'vous kiffe, mais là c'est mort, je ne vais pas pouvoir rester. J'suis malade, lad, lad, la sac à traîne un microbe, je la sens tousser dans mon cou. Marie a les yeux qui brillent, je pense pas que c'est grâce à l'amour. Tu devrais boire de la soupe, tu me parles mais t'en fous partout. Et ça commence encore, elle tousse. J'suis malade, malade.